بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc l'auteur qui nous dit رحمه الله وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه فقال صلى الله عليه وسلم وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. Donc l'auteur qui nous dit rahimahullah est dans Sahih Muslim selon Aisha radiallahu anha qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été invité pour assister à l'enterrement d'un enfant. L'enterrement d'un enfant parmi les Ansar. Alors j'ai dit Touba lahu. Touba, c'est un mot. Certains savants nous disent ce qui est voulu par là, c'est un arbre parmi les arbres du paradis. D'autres savants nous disent c'est un degré. D'autres savants nous disent c'est un mot qui est général, qui annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, le paradis pour les muttaqin, pour ceux qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, touba lahu, la bonne nouvelle pour cet enfant. Usfour min asafir il jannah. Et donc, el usfour, c'est un oiseau particulier. Et donc, parmi les oiseaux du paradis, lam ya'mal su'an, il n'a accompli aucune mauvaise action, il ne l'a pas atteint. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ewa ghayra dhalika ya Aisha ?» Est-ce qu'il y a autre que cela ?« O Aisha, il l'a blâmé. » Sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah a créé des gens pour le paradis. Il les a créés pour celui-ci alors qu'ils étaient dans les lombes de leurs parents. Et certes, Allah a créé des gens pour le feu. Il les a créés pour celui-ci alors qu'ils étaient dans les lombes de leurs parents. هذا الحديث متعلق بمسألة وهي أن أطفال المسلمين في الجنة. Ce hadith, il est lié à un sujet, c'est le fait que les enfants du paradis, les enfants donc des musulmans sont au paradis. فعائشة رضي الله عنها شهدت له بالجنة. عائشة nous dit donc, elle a attesté que cet enfant, il va au paradis. توبى له. Touba, comme on l'a cité, tu fais Touba lahu, bonne nouvelle pour cet enfant. Wa antum tulahidun anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ankara 'alayha. Et vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait le reproche. Fa qala ba'd al-ulama inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ankara 'alayha kawnaha haddadat halahu fi al-jannah. Certains savants, ils ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a reproché à Aïcha le fait qu'elle a cité précisément la situation de cet enfant au paradis. Usfour min asafiri ahlil jannah. Et donc, usfour parmi les asafirs du paradis. Le prophète lui a reproché ça, parce qu'on ne connaît pas la situation réelle de cet enfant. Et donc, il est au paradis, mais quelle est sa situation réelle au paradis, on ne sait pas. وقال بعض العلماء لا أنكر عليها كونها شهدت له بالجنة. D'autres savants ils disent non, le prophète il lui a reproché le fait qu'elle atteste que cet enfant il va au paradis. فإنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشهد لأحد. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'attestait pour aucun des enfants pour qu'il soit au paradis. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن أولاد المسلمين في الجنة فأخبر الناس أن أولاد المسلمين في الجنة. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم n'attestait pas au début pour les enfants des croyants qu'ils vont au paradis. Mais ensuite, par la suite, le prophète صلى الله عليه وسلم a été informé que les enfants des musulmans vont au paradis. Alors il a informé. Il a donc informé la nouvelle aux croyants, et donc en leur disant que les enfants des musulmans iront au paradis. وأنتم تعرفون الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد ولا الفطرة فأبواه ينصرانه أو يهودانه. Et donc vous connaissez le hadith dans Sahihain, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout enfant naît sur la fitra. Tout enfant naît sur la fitra. La fitra, certains savants disent, c'est l'islam. Ce qui est voulu par la fitra ici, c'est l'islam. Et donc, tout enfant naît sur la fitra. Vous allez comprendre pourquoi la fitra, c'est l'islam. Le prophète, il dit, cependant, ce sont ses parents qui vont le rendre juifs ou qui vont le rendre chrétien ou majus. Mais antum tulahidun anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yadhkur al-muslimin. Vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité les musulmans. Li anna al-fitra hiya al-islam. Parce que la fitra, c'est l'islam. Et donc les enfants, ils naissent sur l'islam. S'ils meurent comme cela, ils meurent sur l'islam. Et donc, les savants, ils ont dit que les enfants des croyants, ils meurent musulmans, ils meurent sur l'islam. Wa kadhalika antum ta'rifun fi sunan Abi Daoud anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala rufi'a al-qalam 'an thalatha. Donc dans Sunan Abi Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume a été levée concernant trois personnes. C'est-à-dire que ils ne sont pas châtiés, ils ne sont pas responsables. Trois personnes. Al-Majnoun, Al-Marloubou alayhi, hatta yufiq. Et donc celui qui a perdu la raison, le Majnoun, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc le Majnoun, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Al-Na'im, hatta yastaqiz. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Wa as-sabi, hatta yahtalim. Et l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Wa qad dhakara an-Nawawi rahimahullah anna al-ulama ittafaqu ala anna awlad al-mu'minin fi al-jannah. Et donc al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah, il cite que les savants de Ahlus Sunnah sont unanimes sur le fait que les enfants des croyants vont au paradis. Hadhihi al-mas'ala ahdathat fitanan kathira 'inda an-nasara. Ce sujet, il a causé beaucoup de problèmes aux chrétiens. Chez nous, les musulmans, ittifaq, ijma', les enfants des musulmans vont au paradis. Unanimité, il n'y a pas de problème. Chez les chrétiens, ishkel. Pourquoi il y a un problème chez les chrétiens? Parce qu'ils disent que l'enfant, quand il naît, c'est là, il est péché. Voilà. L'enfant, quand il naît avec le péché originel. Alors, il naît. Pour enlever le péché originel, il faut faire quoi? Le baptême. Taïb. Laïsa hunak ta'amid. Il n'y a pas de baptême. Tu fais quoi? Ils ne l'ont pas baptisé. L'enfant, il naît à la naissance. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, il ne va pas au paradis. Il ne va pas au paradis. Pendant un moment même, pendant longtemps, il n'y avait pas de funérailles ou quoi que ce soit pour l'enfant. L'enfant qui est mort non baptisé, masalam. Pourquoi? Parce qu'il a hérité du péché de Adam. Alayhi salam. Et donc ça, c'était la croyance des chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont plaints. Les chrétiens eux-mêmes, ils se sont plaints. Farayyaru hadha al-amr wa nasakhuhu fi 'am 2007. Ils ont changé ça en 2007. Ils l'ont abrogé en 2007. فَنَحْنُ الْمُسْلِمُونَ نَتَسَأَلْ. Et donc nous les croyants se demandent أَيُّهُمَا أَشَدْ أَنَّكُمْ قَدْ يَعْتَقَدْتُمْ أَنَّ هَذَا الصَّبِي وُلِدَ بِذَنْبِ أَبِيهِ آدَمْ أَوْ أَنَّكُمْ نَسَخْتُمْ شَرِيعَتَكُمْ عَلَى مَشِيئَتِكُمْ. Et donc on se demande, c'est quoi le pire? Que vous ayez la croyance que cet enfant, il soit né avec le péché de son ancêtre, Adam, yarhamkallah, ou alors que vous abrogez les lois comme vous voulez. Vous avez déjà souvent entendu ça. Telle année ils abrogent, telle année ils abrogent, telle année ci, telle année ça. Il faudrait faire un cours là-dessus. Toutes les fois, ils ont abrogé les lois. Et ensuite, ils nous reprochent à nous, les musulmans, d'avoir la croyance que Allah tabaraka wa ta'ala, il abroge ses versets comme il veut. Wallah, ils nous l'ont reproché. Ils nous ont reproché que Allah azzawajal abroge ses versets comme il veut. Mais eux, derrière, ils abrogent ce qu'ils veulent. Subhanallah. Donc on retourne à notre sujet. Al-muhim anna ahl as-sunnah ittafaqu ala anna awlad al-muslimin yadkhulun al-jannah. Donc les enfants, les savants sont unanimes sur le fait que les enfants des croyants entrent au paradis. Thumma ikhtalafu fi awlad al-kuffar ala iddati aqwal. Ensuite, ils ont divergé concernant les enfants des incroyants et cela avec plusieurs avis. Fa qala ba'duhum awlad al-kuffar fi an-nar. Certains savants, ils ont dit, les enfants des incroyants, ils vont dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leurs parents. Leurs parents, s'ils meurent comme cela, ils vont dans le feu. Les enfants aussi, ils y vont. Cet avis, il est faible. Et certains savants, ils disent que les enfants des incroyants, ils vont au paradis. Pourquoi? Parce que cet enfant, il n'a pas accompli de mauvaises actions. Et aussi parce que la plume est levée concernant trois types de personnes. Et parmi eux, l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. وقال بعض اهل العلم ان اولاد الكفار يمتحنون. Et certains savants, ils disent que les enfants des incroyants seront éprouvés, seront testés au jour de la résurrection. وهذا القول هو قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم. Et cet avis, donc, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, aussi l'avis de Ibn al-Qayyim. فمن ادلتهم ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما صححه الإمام الألباني رحمه الله. Et donc parmi leurs preuves, il y a le hadith qu'a cité l'imam Ahmed رحمه الله dans son musnad selon l'Aswad ibn Sari' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quatre personnes au jour de la résurrection. Il y a quatre personnes au jour de la résurrection. Certains savants, ils disent, ce qui est voulu par là, c'est « seront éprouvés ». Quatre personnes au jour de la résurrection, entre parenthèses, seront éprouvées. Un homme sourd qui n'entend rien. Un homme stupide. Un homme qui a perdu la raison. Un homme qui est mort durant une période durant laquelle il n'y a pas eu de prophète. C'est possible ça? Hein? On n'a pas dit que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé un prophète à toutes les communautés? Jami al-Umam? Hein? Avant. Avant. C'est-à-dire? Avant, ouais. Avant Nuh, non. Les savants disent, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des prophètes à toutes les communautés. Mais il se peut que dans la communauté, il y ait un groupe de personnes à qui le message n'est pas parvenu. D'accord ? Exactement. Des personnes qui sont dans des zones où peut-être que le message n'est pas parvenu. Ça me rappelle lorsque je me suis converti à l'islam. Quand je me suis converti à l'islam, que j'ai informé mes parents, ils m'ont dit, mais l'islam, c'est pas les gens qui adorent le soleil là-bas ? J'ai dit, à vous, ça vous est pas parvenu. C'est pas encore arrivé chez vous. Et donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est ça qu'on appelle donc les gens Ahlul Fatra. Donc les gens qui sont donc dans cette... ça peut être une période ou un lieu où le message ne leur est pas parvenu. En ce qui concerne le sourd, alors il dit, « Ô Seigneur, l'islam m'est parvenu, mais je n'entendais rien. » Celui qui est stupide, il dira, « Ô Seigneur, certes l'islam m'est parvenu, mais les enfants, ils me lançaient des excréments d'animaux. » Les enfants jouaient avec lui, ils se moquaient de lui. En ce qui concerne celui qui a perdu la raison, il dira, « Ô Seigneur, l'islam m'est parvenu, mais je ne comprenais rien, je ne raisonnais pas. » Et en ce qui concerne celui qui était dans une période durant laquelle il n'y avait pas de messager, alors il dira, « Ô Seigneur, aucun de tes messagers n'est venu à moi. » Alors il, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, il prendra d'eux l'engagement qu'ils vont certes lui obéir. Ils vont lui obéir. Puis il leur envoie l'ordre de rentrer dans le feu. Donc maintenant vous obéissez. Vous rentrez dans le feu. Et par le prophète qui dit, et par celui dont l'âme de Mohammed est entre ses mains, s'il rentre dans le feu, alors celui-ci leur sera doux et paisible. Et donc, ça c'est le test Yawm al-Qiyama. Pour ceux, les savants, ils disent, pour ceux à qui la hujja n'a pas été établie sur eux. La preuve n'a pas été établie sur eux, et donc ils seront testés Yawm al-Qiyama. Fekalu idan as-sabiyu mithla ha'ula. As-sabi lam tukam alayhi al-hujja. Ils ont dit, l'enfant, la preuve n'a pas été établie sur lui. Et donc, même chose, il sera éprouvé, Yawm al-Qiyama, il sera testé au jour de la résurrection. Wa min al-adillati ala al-imtihani aydan, ma akhrajahu shaykhan an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, su'ila an awlad al-mushrikini, faqal Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Et parmi les preuves sur ce sujet, donc montrant que les enfants des polythéistes seront testés au jour de la résurrection, le hadith dans Sahihain, dans lequel, qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant les enfants des polythéistes, et il a dit, Allahu a'lam, Allah connaît mieux, Allah est plus savant de ce qu'ils feront. Fekale ahlul ilmi, فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَيَعْمَلُونَ فِي الْإِمْتِحَانِ. Les gens de science, ils ont dit, Allah est plus savant de ce qu'ils feront le jour du test, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ كَذَلِكَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ بِنُ بَيْزِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ بِنُ الْعُثَيْمِينَ. Et cet avis, c'est aussi le choix de l'imam ibn Baz et aussi de l'imam ibn al-Uthaymin, رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Et certains savants, ils se sont abstenus. فَقَالُوا لَا نَعْلَمُ لَا نَقُولُ بِأَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَلَا بِأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَا بِأَنَّهُمْ يُمْتَحَنُونَ. Certains savants, ils disent, Allahu a'lam, on ne sait pas s'ils vont au paradis ou s'ils vont en enfer ou s'ils sont testés, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. On ne sait pas. Parmi les mechir, les savants qui disent ça, il y a donc الْعَلَمَةُ الْفَوْزَانِ. Donc le savant, le très savant, le Fawzan. Et cet avis-là, concrètement, c'est, pour moi personnellement, c'est l'avis vers lequel je penche. Pourquoi ? At-tawakkuf, à cause des deux gros avis, l'avis qu'ils seront éprouvés, qu'ils seront testés, et aussi l'avis qu'ils rentrent au paradis. Pourquoi ? Parce que Rufi al-Qalam, la plume a été levée. La plume a été levée, et si on commence à rentrer dans le débat avec les deux avis, le débat il est très très très long. Le débat, il est très, très, très long. Et donc, voilà pourquoi, moi, personnellement, donc, je vois que l'avis de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, le fait de s'abstenir est peut-être la meilleure chose. والله تعالى أعلم. وهذه المسألة هي حكم أولاد المشركين في الآخرة. Ce sujet-là, c'est le jugement concernant les enfants des polythéistes dans l'au-delà. Le jugement concernant les enfants des polythéistes dans l'au-delà. أما حكم أولاد المشركين في الدنيا فهم مع أبائهم. En ce qui concerne le jugement des enfants des polythéistes ici-bas, dans la dunya, alors ils sont avec leurs parents. C'est-à-dire lorsqu'ils meurent. Al-ma'na annahu idha mata la yurassal wa la yukaffan wa la yusalla alayhi wa la yudfan ma'a al-muslimin. Et donc ce qui est voulu par là, c'est que cet enfant de polythéiste qui est mort, on ne va pas le laver, on ne va pas le mettre dans le kafan, on ne va pas prier sur lui et on ne va pas l'enterrer avec les musulmans. Il est avec ses parents. Et donc, non plus, il n'hérite pas l'enfant d'un polythéiste. Pourquoi tout cela? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé concernant les enfants, la descendance des polythéistes, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari, « Hum min hum ». Ils font partie d'eux. Donc ça, c'est le jugement ici-bas. Ici-bas. Par contre, dans l'au-delà, c'est la divergence qu'on a citée précédemment. Et c'est là qu'on rentre dans un autre problème aussi. On a dit les enfants des polythéistes, les enfants des incroyants, ils ne sont pas donc enterrés avec les musulmans, ils ne sont pas lavés, on ne prie pas sur eux, etc. Et donc voilà par rapport à ça, et aussi dans ce hadith pour finir, il y a le fait qu'on atteste pour personne qu'il va au paradis. La yushhadu li ahad bil jannah. On atteste pour personne, sauf pour ceux qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'ils vont au paradis. Et aux sahaba radiallahu anhum, de façon générale, ils vont tous au paradis. Et concernant l'enfer, alors, on atteste pour personne qu'il va en enfer. Ce qui est voulu par là, c'est celui dont tu n'es pas sûr. Si tu es sûr que cette personne, elle est morte, en état d'incroyance, juif ou chrétien ou autre, parmi les groupes incroyants, alors là, na'am, wa min ahli an-nar. Mais ça, c'est si tu es sûr qu'il est mort comme cela. Sinon, tu n'attestes pas. Est-ce que c'est compris, ça? Barakallahu fikoum. Faut faire attention. On arrête là, barakallahu fikoum. Et donc, on continue la semaine prochaine. Wa faqallahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.